Les chasseurs de nazis. Chapitre 5. Les dessous de la traque. Cinquième épisode. Aloïs Brunner avait aussi ses lapins sur le toit. Pardon ? Il disait qu'il n'avait pas d'enfants et que du coup, ses lapins étaient ses enfants. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire, mais je donnais trois fois par jour un morceau de pain à ses enfants. Ces quelques lignes sont tirées de l'article de la revue 21 paru en février 2017 et consacré à une enquête sur le nazi de Damas, Aloïs Brunner. Une enquête signée par Mathieu Palin et Eddie Awidge. Alors, il y a une anecdote qui pourrait être assez drôle, qui fait le lien entre Eichmann et Brunner, c'est les lapins. Brunner a des lapins sur son toit, enfin pas très loin, et Eichmann, avant d'être enlevé par le commando du Mossad, à un élevage de lapins angora et de poules à côté de Buenos Aires. Alors oui, ça c'est l'information sur les lapins, c'est le deuxième garde, c'est Abourad qui nous révèle ça, qui nous explique qu'il avait des lapins sur le toit, c'était ses enfants. Alors donc voilà, il s'occupait d'aller nourrir les lapins. D'ailleurs, c'est un vieux monsieur un peu acariâtre, il est très mécontent souvent contre les gardes parce qu'ils lui donnent du pain alors qu'il ne faut pas lui donner du pain, enfin, ils nourrissent mal ses lapins, voilà, donc c'est... Oui, c'est un point commun. Visiblement, les nazis ont les mêmes divertissements en fuite. Eddie Awidge, ce qui est important aussi dans votre article avec Mathieu Palin, c'est que vous donnez la vraie date de la mort d'Aloïs Brunner. Parce qu'il est jugé fin 2001 en France par contumace. Mais en fait, il est mort début 2001. Et c'est dans votre article, vous dites, voilà, moi, je peux vous dire avec certitude qu'il est mort en 2001 parce que vous avez rencontré les gens qui étaient à son enterrement. Voilà. Enfin là, j'ai parlé avec quelqu'un, puisque pour recouper, c'était lorsqu'on a commencé cette enquête, c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire d'Aloïs Brunner. Lorsqu'on a commencé cette enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait une masse d'informations déjà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient connues, sauf qu'elles étaient enfouies sous des tonnes de poussière et qu'il fallait juste les ressortir et les mettre ensemble. Et la seule certitude qu'on n'avait pas, ça c'était le grand mystère. Et sans cette information, finalement, il n'y avait quasiment pas d'article. C'est quand est-ce qu'il est mort. La date de la mort de Brunner, alors à ce moment-là, les différents chasseurs de nazis ont des idées qui sont variables. Simon Wiesenthal dit à un moment qu'il est mort en 95, voilà, donc on n'en sait pas grand-chose. Le premier témoignage que je recueille sont des témoignages de gardes de base. Omar raconte Brunner dans son cachot. Tu sais, les prisonniers vivent dans une autre réalité. Parfois, ils criaient, ils riaient aussi très fort, des fous rires. Ils se tapaient la tête contre les murs. Il était comme ça des jours entiers et des semaines même. Et puis, il redevenait normal. Tu vois ce que je veux dire par une autre réalité. Il avait une maladie de peau à cause du manque de soleil et du manque d'air frais. Il devait faire la différence entre le jour et la nuit grâce au bruit. Quand il n'y avait pas de gens au-dessus de lui, il savait que les bureaux étaient fermés. C'est quand même vous, Eddie Awidge, qui racontez en fait aux gardes de Aloïs Brunner le pédigré de son prisonnier. Ça reste quand même une scène hallucinante. C'est une scène effectivement qui est très étonnante et qui nous ramène à des questions, de perception. Et surtout d'héritage historique. Parce que la Seconde Guerre mondiale et le génocide est une affaire, et ça, Serge Klaasfeld le dit aussi, c'est une affaire européenne. C'est pas une affaire moyen-orientale. Pour un garde, bon, alors c'était quelqu'un qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, c'était quelqu'un qui était proche de Hitler, mais l'idée nazie n'a pas eu le même impact au Moyen-Orient. Le génocide a été fait en Europe, il faut pas l'oublier, il a pas été fait au Moyen-Orient à ce moment-là. Et donc, il y a cette scène un petit peu... Oui, je dirais même hallucinante, parce qu'il y a un échange qui commence à s'opérer, et moi je lui raconte un petit peu le poids du génocide, le poids de la solution finale, qui est quelque chose qui a façonné notre histoire moderne en Europe. Et en fait, il y a un moment où, pour essayer de lui expliquer, pour illustrer ce que j'essaie de lui expliquer, je cherche sur Internet, et là je tombe sur une photo de Serge Klaasfeld, qui lui-même tient une photo de Aloïs Brunner, que je montre au garde qui a gardé Aloïs Brunner. Et là, il me dit, mais qui est cet individu? Et je lui dis, bah voilà, c'est Serge Klaasfeld, c'est un chasseur de nazis. Chasseur de nazis, c'est un complexe complètement étranger pour un Syrien des années 90-2000. Par contre, quand je lui dis que Aloïs Brunner a enlevé et fait déporter sa famille, et que Serge Klarsfeld a décidé de consacrer sa vie à retrouver les coupables, là il comprend de quoi il s'agit. Pareil pour le témoin, le garde qui a été témoin de son enterrement, lui ensuite a fait des recherches. Et c'est exactement qu'il y a Louise Brunner. C'est-à-dire que c'est pas un gardien qui s'est retrouvé sur un mirador à Auschwitz. C'est un petit peu plus sophistiqué que ça. Si donc c'est ce permettre. Gardien que vous avez au téléphone, qui prend beaucoup de précautions, qui vous dit voilà, moi j'ai assisté à son enterrement. En fait, si vous voulez, j'attends un chef. Il nous manque cette pièce maîtresse, c'est-à-dire la date de la mort, et ce chef ne vient pas. On était au début de la bataille d'Alep, c'était le basculement de la guerre. Moi, je me trouve à Erbil, c'est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville de Jordanie, elle est à la frontière avec la Syrie. Et donc ce témoin, lui, est en Syrie. Et puis finalement, à force de persévérance, on a un numéro de téléphone et on tombe sur... Abou Yaman m'a mis en contact avec le témoin de la mort de Brunner. Et il nous raconte avec force détail... Comment est-ce que, petit à petit, Aloïs Brunner a été sorti de son joli appartement? Comment est-ce qu'il a été mis dans un cul-de-basse fosse dans un immeuble d'habitation? Et comment il est mort? Et ensuite, toute la cérémonie, lorsqu'ils l'ont amené au cimetière Al-Hafif, le subterfuge autour, parce qu'il y a eu un repas de deuil, le subterfuge en disant que si jamais les gens posent des questions, on fait une veillée de deuil pour un des gardes qui est mort. Et puis la nuit, voilà, ce cadavre qui est amené à Al-Hafif, et surtout, et ça c'est là où on voit que ça reste quelque chose encore de brûlant et de central, c'est que tous ceux qui ne sont pas à la 8 doivent avoir le dos tourné, personne ne doit voir ce qui se passe. Il n'y a que le petit groupe, lui tourne la tête, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on lui a raconté ensuite, mais on ne peut même pas le regarder être mis en terre. On n'a même pas le droit, même dans les services d'enseignement. Et là, il y a un tout petit noyau qui l'enterre. Est-ce que cet article, ça vous a permis de vous mettre aussi peut-être dans la peau d'un chasseur de nazis, même si ce nazi était mort depuis 2001? Alors, dans la peau d'un chasseur de nazis, par la force des choses, vous savez, on est tous un petit peu des nains sur les épaules de géants. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est arrivé en fait sur un travail magistral qui avait déjà été effectué avant nous, et puis là c'était les derniers 100 mètres. Et nous on a trouvé les derniers 100 mètres. Et cachons pas notre joie, c'est un scoop mondial, hein. Ça a fait une explosion quoi. Voilà, on a mis un point final à un mystère historique. Finalement on me dit Brunner a perdu un œil, il a perdu les doigts d'une main. Serge Klarsfeld. Il est mort après avoir vécu dans des conditions très difficiles entre 92, c'est la date où il a été déménagé, je crois, de son appartement. Bah, entre 92 et 2001, il a vécu dans de très mauvaises conditions, selon ses gardes du corps ou gardiens qui le surveillaient dans un sous-sol. Peu agréable d'un immeuble de Damas où on lui donnait à peine à manger. Donc, il a eu la fin, une fin misérable qui était imposée par le fait que nous n'avions pas oublié. Il a été emprisonné à vie, mais par les Syriens. Voilà. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Témoignage traduit et dit par Eve Dair et Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazev et Xavier Xapla. Prise de son, Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre et racontée par Michel Pomarède, revient dès lundi avec le chapitre 6 intitulé « La méthode Klarsfeld ».